j'avais un super job, c'est ce dont je rêvais depuis des années. Mais ce qui a fait flop, c'est cette vieille peau qui m'a bouffé serré. J'avais un bon boulot, mais cette sorcière a vraiment tout gâché. On peut le dire texto, elle en a le physique et même le nez. Et même le nez, et même le nez. Et même le nez. Elle gueule jamais, mais ça aurait été mieux. Elle a un regard qui plairait aux pierres à feu. Toujours des reproches, jamais d'encouragement. Et quand il y a lieu d'en mettre, que dalle. J'avais un super taf, mais à cause d'elle j'ai envie de boire de la vodka. C'était une tête à baffe, un cœur de pierre dur, mesquin et sournois. J'avais un bon emploi qui me plaisait avec des collègues sympas. Mais pour eux comme pour moi, c'était serrage de cul quand elle était là. Elle était là, elle était là. Elle était là. Elle gueule jamais, mais ça aurait été mieux. Elle a un regard qui flairait aux pierres à feu. Toujours des reproches, jamais d'encouragement. Et quand il y a lieu d'en mettre, que dalle. J'avais un super job, c'est ce dont je rêvais depuis des années. Maintenant je l'ai plus, c'est pas plus mal, elle faisait bien gerber. Elle gueule jamais, mais ça aurait été mieux. Elle a un regard qui serrait aux pierres à feu. Toujours des reproches, jamais d'encouragement. Quand il y a lieu d'en mettre, que dalle, que dalle, que dalle. Que dalle.